night. Sometimes love just slips out of sight. And just one thing before you go, just one thing that you got to know. No one will ever touch me that way, the way that you did that very first day. And I will never be the same without you here. Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Et c'est le Texan Christopher Cross qui va nous accompagner ce soir avec un album tout récent, un album qui date de 2008 et qui s'appelle The Café Carlyle Sessions. Vous avez reconnu certainement la chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelle Never Be The Same, qui était sur son premier album qui est sorti en 1979. Christopher Cross qui a une destinée un petit peu particulière parce que donc avec ce premier album qui est sorti en 1979, Christopher Cross est devenu la plus grosse star de la musique aux États-Unis en 1980 avec cet album donc, et puis la chanson Sailing qui l'a propulsé au top. Il est né au Texas en 1951. Le problème, c'est que les albums suivants n'ont pas marché et n'ont cessé de descendre en succès, en vente de disques, alors que Christopher Cross, depuis 1979 et la sortie de son premier album, n'a jamais cessé de donner des concerts. Mais au bout d'un moment, eh bien, sa maison de disques l'a laissé tomber dans les années 80 et puis il n'est revenu que dans les années 90. Cet album de Café Carlyle Session reprend les chansons qui ont marqué la carrière de Christopher Cross en version acoustique. C'est un très très bel album qui est l'album fil rouge ce soir de Solid Gold. On vient d'entendre donc Never Be The Same. On le retrouve avec Deputy Dan, une chanson extraite de son album Rendez-vous en 1993, reprise donc en acoustique pour cet album de Café Carlyle Session qui sera l'album fil rouge de ce Solid Gold numéro 270. C'est parti. Just another pure heart, a wide open mind, drifting like a cork on a sea of dreams. Playing the schoolboy, making believe, dying to fill the shoes, the really big shoes for the TV screams. Standing on the side.

Beaucoup de chansons de Christopher Cross avaient été utilisées dans les séries américaines, que ce soit les soaps ou les sitcoms. Celle-ci, Swept Away, extrait de l'album Back of My Mind, eh bien, avait été utilisée notamment dans la série qui s'appelait en français Quoi de neuf, Docteur. Swept Away, extrait, une reprise par Christopher Cross, par l'auteur lui-même, extrait de l'album The Café Carlyle Session, qui est notre album fil rouge ce soir. Et là, juste avant Swept Away, on avait Dionne Warwick dans les années 70 avec Once You Hit The Road. On va le retrouver tout de suite, Christopher Cross, extrait de cet album de Café Carlyle Session, superbe album de reprise acoustique des chansons de Christopher Cross. On va le retrouver avec Walking in Avalon, extrait d'un album qui date de 1998 et qui s'appelait Walking in Avalon, ça tombe bien. the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life goodbye. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life goodbye. La mission de Solid Gold chaque semaine, c'est de vous apporter le meilleur de la variété anglo-saxonne, quelle que soit l'époque, quel que soit le genre. The Good Life, à l'instant, c'était Frank Sinatra, le grand Frank Sinatra, et juste avant, Connie Francis avec Everybody's Somebody's Fool. Christopher Cross, ce soir, est l'artiste fil rouge de ce Solid Gold avec un album assez particulier puisque c'est lui-même qui reprend les chansons qui ont marqué sa carrière, les grands succès qu'il a eu dans sa carrière. Et puis, de manière acoustique, l'album s'appelle The Café Carlyle Session. On va retrouver tout de suite la chanson qui a été le plus gros succès de la carrière de Christopher Cross. C'était au début des années 80, c'était un film qui s'appelait Arthur. The Best That You Can Do, une chanson coécrite par Christopher Cross avec Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager et Peter Allen, s'il vous plaît. Arthur, The Best That You Can Do, et ensuite il y aura Eliane Elias. Once in your life, you find her. Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you caught between the it's true. You think you're caught between the moon and New York City. The best that you can do, the best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases. All of his life, his master's toys, and in his heart, he's just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a pretty good time. He's laughing about the way they it's true. Thank you. am one free. My heart won't try. The more I see you as years go by, the more I see you, the more I want to, the more I see you. Christopher Cross avec In the Blink of an Eye, et puis juste avant Eliane Elias et une reprise du standard The More I See You, The Café Carlyle Sessions. C'est le dernier album en date de Christopher Cross, il date de 2008, c'est un très bel album où le chanteur revient sur les succès qui ont jalonné sa carrière et de manière acoustique pour leur rendre un petit peu hommage et les remettre un petit peu au goût du jour. on va retrouver tout de suite une chanson qui s'appelle Think of Laura, extrait de cet album. Et puis juste après, Bonnie Tyler, son méga tube du début des années 80, It's a Heartache. Hey Laura, Laura, ooh. Hey Laura, Laura, every once in a while I'd see her smile. She turned my day around, a girl with those eyes, stiff through the lights. See what your heart was saying. Think of Laura, but laugh, don't cry. I know she'd want it that way. Hey, yeah. When you think of Laura, well, laugh, don't cry. I know she'd want it that way. A friend of a friend, a friend till the end. That's the kind of girl she was. Taken away so young, taken away without a warning. Think of Laura, but laugh, don't cry. I know she'd want it that way. Until your arms break, un peu de jazz dans Solid Gold, ça fait pas de mal. C'était Richard Elliott à l'instant avec Move On Up, jazz matinée de soul music quand même. Et puis juste avant, Bonnie Tyler. Quand je vous disais que Christopher Cross avait été une superstar au début des années 80, bah je vous mentais pas, puisque pour son premier album, il a obtenu rien de moins que 5 Grammy Awards. Figurez-vous que la même année, il a eu le Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste, l'album de l'année, meilleur arrangement, disque de l'année et chanson de l'année, rien que ça. Et bien avec ça, ça vous lance une carrière. Malheureusement, ça n'a pas trop suivi après. On va le retrouver avec un nouvel extrait de son album The Café Carlyle Sessions, avec une chanson qui a marché en France. Elle n'a pas marché aux États-Unis, mais en France, ça a marché. Ça fait partie des chansons qui ont fait le succès de Christopher Cross à travers le monde, notamment en Europe. Donc une reprise sur cet album, All Right. Et puis ensuite, on aura Valérie Carter avec What's Become of Us. It's tough sometimes. the sun setting into dusk. What's become of us? Tenderness all disappeared. Promises all broken. On my own with these souvenirs and a heart that's broken. There's an empty moon clinging to the sky. Radios worn out lullabies, remembering that last goodbye. What's become of us? Do you remember when? Oh, I was at your gate. I was so timid then, that I seldom made mistakes. We were so much younger then, lovers and the best friends. Though love never ends, but it does. 1988, Christopher Cross sortait l'album Back of My Mind avec la chanson titre de l'album qu'on vient d'entendre reprise sur ce nouveau, dernier album de, qui est plus très nouveau, qui a un an et demi maintenant, album de Christopher Cross, The Café Carlyle Session, qui est notre album fil rouge ce soir dans l'émission et où Christopher Cross revisite un petit peu toutes les chansons, tous les succès qui ont jalonné sa carrière. On va le retrouver tout de suite avec une chanson qui faisait partie de son premier album qui a été un très très gros succès. Reprise donc de cette chanson tout en douceur, Sailing, que vous connaissez forcément, que vous avez déjà entendu. Et ensuite on aura Gladys Knight and the Pips et Sign Gladys. It's not far down to paradise, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see, then you believe me. It's not far to Never Never Land, a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where back to sanity, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see, then you believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it My eyes are dark and wet as the ink from my fountain pen. It's hard to write goodbye, knowing it means the end. I meant to tell you, boy, I guess I loved you too much. I guess I loved you too much to share your love. Sign Gladys. Oh yeah. Sign Gladys. Oh yeah. If you need her too, then I'm not enough for you. Love, come in. you, girl, more than you'll ever know. And I kept a little vigil by my window. Oh, it's funny, but it's true. Darling, I did these things for you. Now no matter where we are, we can wish upon that star. Toujours Christopher Cross qui nous accompagne ce soir dans Solid Gold avec son album de 2008 The Café Carlyle Sessions, où le Texan que l'on croirait venu de Californie reprend les grands succès qui ont jalonné toute sa carrière. À l'instant, il reprenait de manière acoustique, bien sûr, comme tout l'album, une chanson qui s'appelle Open Up My Window, qui date de 1995. On va le retrouver tout de suite avec une reprise d'une chanson qui était sur son album Rendez-vous, un album qui est sorti en 1993, soit 5 ans après qu'il ait été lâché, comme on dit, par sa maison de disques. Et oui, ça arrive même aux États-Unis. La chanson s'appelle Drifting, et puis ensuite on ira du côté de Judy Clay et William Bell avec Private Number. Screaming and it's time to go. The day is waiting and you're moving slow. News and weather on the radio, but your mind keeps drifting away. Work is steady and your friends are good. You're going forward like you think you should. You put your heart into it if you could. But your mind keeps drifting away. Look at your world through the window pane. Embrace that secret thing that keeps you sane. You're always saying that you can't complain. But your mind keeps drifting away. And your mind keeps drifting away. And your mind keeps drifting away. The conversation tends to seed you've sown. It gets you thinking about someone you know. She's always with you, but she's still alone. And your mind keeps drifting away. We make excuses, but you know damn well. A dream's a story only you can tell. Drifting away. And your mind kept on calling while you were gone. I had the number changed, but I'm not acting strange. Welcome home. Nothing's wrong. So I'm saying, baby, baby, baby, you can have my private number. Baby, baby, baby, you can have my private number. Oh, thank you. Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still, when a man named Al Capone tried to make that town his own and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry, I heard her pray the night she called Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet. And I asked someone who said, about 100 cops are dead. I heard my mama cry. I heard her pray the night she called. Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. And there was no sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside. And he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Yes, indeed, the night Chicago died. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be, the night Chicago died. Le groupe Paper Lace dans Solid Gold avec The Night Chicago Died, et puis juste avant Judy Clay et William Bell Private Number. Retrouvons sans plus attendre Christopher Cross, puisque c'est notre artiste fil rouge ce soir. Vous savez, on aime bien se balader un petit peu dans tous les genres et dans toutes les époques. Et bien là, on fait deux époques en une, si je puis dire, puisque c'est les années 80 et les années 2000. Christopher Cross, dans son dernier album de Café Carlyle Sessions, reprend des chansons de plusieurs de ses albums depuis le début de sa carrière, de manière acoustique, comme si nous étions dans une toute petite salle de spectacle et que nous l'écoutions avec sa guitare. Words of Wisdom, c'est le titre de la chanson qu'on va écouter maintenant. Et puis il sera suivi des inusables Four Tops avec Ain't No Woman Like the One I Got. And I have no choice, 'cause the pain is too deep inside. And the hurt of a love that is lost has no cure but the love of another heart. And your friends try to say it will all get better. They say that they know how you feel, but your heart isn't sure, 'cause it knows what it heard, all the things that it read in the letter. Oh, and all the words of wisdom never seem to ease the pain. All the words of wisdom sound the same. They all sound the same. Sound the same. All the lies of kindness, oh, that sweet refrain. But you pay the price for the joy that it brings, 'cause you hear the sound of her name. And the morning tries to save you from the shadows of your heart, but they dance and kiss as you reminisce, and it's tearing you apart. Oh, and all the words of wisdom never seem to ease the pain. All the words of wisdom sound the same. There's no cure but the love of another heart. And your friends try to say it will all get better. They say that they know how you feel, but your heart isn't sure, 'cause it knows what it heard, all the things that it read in that letter. Oh, and all the words of wisdom never seem to ease the pain. All the words of wisdom sound the same. All the words of wisdom sound the same. They all sound the same. Sound the same. Mm-hmm. like the one I've got. Every day the sun comes up around her. She can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her. Heaven must have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. les grands de la variété anglo-saxonne se donnent rendez-vous chaque semaine dans Solid Gold. La preuve à l'instant, c'était Sam Cooke, un des papes de la soul music, avec What a Wonderful World. Et juste avant, les Four Tops, Ain't No Woman Like the One I Got. On va retrouver Christopher Cross avec un nouvel extrait de son album The Café Carlyle Sessions, un album qui date de 2008. Et la chanson, très belle, bien sûr, comme toutes les chansons de Christopher Cross qu'on va écouter tout de suite, s'appelle Talking in My Sleep. Talking in my sleep, she ain't gonna hear it, so my secrets have to keep a little while longer in my heart where they've been for so long I can't remember. Days turn into weeks, still she's not with me, still my secrets have to keep a little while longer in my heart where they've been for so long I can't remember. And I know that I'm just gonna be another page in love's history, another page in your diary. You deep, it's there to remind you, and the memories make you weak. They whisper to you from your heart where they've been for so long you can't remember. Seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.

body's weak.